ဒီဘုဇင်တရားဘုဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်ပေါ့နော ်မှန်ပါဗျာ Today we're going to hear about the Bojangas ဘုဇင်ဆိုတာ Aujourd'hui on écoutera un enseignement sur les Bojangas Le mot Bojanga est un ensemble des mots body et anga Le mot body signifie quelqu'un qui connaît. Qu'est-ce que la personne connaît ? Elle connaît les quatre nobles vérités. Et le mot « anga » signifie un facteur de casualité. Quand du coup vous combinez les mots « body » et « anga » en bojanga, ça signifie les facteurs de casualité d'une personne qui connaît les quatre nobles vérités. Une autre façon d'interpréter le mot « bojanga » est que « body » signifie « connaissance » ou « connaître les quatre nobles vérités » et « anga » signifie « composante » ou « partie ». Donc, dans cette interprétation, « bojanga » signifie « composante de la connaissance » ou « la sagesse qui connaît les quatre nobles vérités ». Connaître les quatre nobles vérités n'a pas lieu sans une cause. N'a pas lieu en lisant des livres ou en y réfléchissant, et en plus, elle n'a pas lieu non plus en écoutant le Dhamma. La connaissance des quatre nobles vérités a des facteurs qui la composent. Et seulement quand ces facteurs sont complets, alors la personne sera quelqu'un qui connaît les quatre nobles vérités. Les résultats sont inséparables de leurs causes. Et si vous voulez connaître les quatre nobles vérités, alors vous devez travailler pour remplir les causes pour que leur connaissance puisse surgir. La vraie connaissance de quatre nobles vérités apparaît seulement quand la personne devient un être noble, un Arya. N'est pas quelque chose que les gens ordinaires qui ne sont pas illuminés connaissent. Même si on dit que les yogis qui pratiquent Vipassana connaissent les quatre nobles vérités, ils n'ont pas une connaissance complète des quatre nobles vérités. Ils connaissent seulement du point de vue des quatre étapes de l'éveil. Bojanga signifie le facteur de casualité de quelqu'un qui devient un Arya ou il est un Arya qui connaît les quatre nobles vérités. Ou d'autre part, une composante de la connaissance qui connaît les quatre nobles vérités. Il y a sept facteurs dits Bojanga. Il y a le premier, Sati Sambojanga, puis Dhammavichaya Sambojanga, Virya Sambojanga, Piti Sambojanga, Pasadi Sambojanga, Samadhi Sambojanga et Upeka Sambojanga. Donc, il y a sept de ces facteurs appelés Bojanga ou Sambojanga. Dans ces derniers mots, il y a une syllabe de plus, le préfixe Sam, au tout début, mais ça, la signification reste la même que Bojanga. À quelle étape de la connaissance Vipassana ces facteurs dits Bojanga deviennent clairs ? Il commence à devenir clair à l'étape des Udayabhaya Jnana, la connaissance des apparitions et disparitions des phénomènes. Dans les étapes précédentes, ils sont présents de quelque façon, mais ils ne sont pas clairs ou évidents en ces moments-là. Comment peut-on donc achever ces facteurs de casualité ? La pratique qu'on fait maintenant est ce que permet leur naturel développement. Pratiquer Satipatthana amène les sept facteurs à s'achever naturellement. Le Bouddha a répondu à la question de comment ces sept facteurs sont provoqués. Qu'est-ce qui doit être développé pour provoquer ces facteurs ? Il dit que si les quatre fondements de l'attention sont développés et pratiqués à plusieurs reprises, ils porteront automatiquement les sept bojangas à leur accomplissement. Le Bouddha a utilisé le mot bhavita bhaulikata, qui signifie que les quatre fondements de l'attention ne sont pas développés à travers la lecture des livres ou en réfléchissant ou en écoutant le Dhamma. Ils doivent être développés à travers la pratique et doivent être pas seulement développés, mais aussi pratiqués à plusieurs reprises. Ça signifie que les yogis placent leur esprit sur son propre être, son propre corps, les différentes actions physiques qui ont lieu, les différentes sensations agréables, désagréables ou neutres qui apparaissent, les différents types d'activités mentales, penser, planifier, imaginer, se souvenir, et les différents phénomènes généraux comme voir, ouïr, sentir, goûter, toucher, etc. Tout ça, on va y prêter attention dès qu'il devient prééminent. Et à travers la répétition de l'attention et l'observation de l'apparition des objets à travers la pratique des satipatthana, tout ça développe sati sambojanga. Donc, observez ces quatre types d'objets, donc kaya, les objets du corps, vedana, les sensations, citta, les objets de l'esprit, l'activité mentale, dhamma, les objets généraux. Observez ces quatre types d'objets est simplement fait pour développer le facteur de sati sambojanga. Donc, ce facteur, appelé sati sambojanga ou sati, a trois aspects qui deviennent apparents à nous. Le premier, sa caractéristique. Le deuxième, sa fonction. Et le troisième, sa manifestation. La caractéristique des satis est en pali Apilapana Lakana Sati. Signifie que cette qualité de noter, se souvenir et faire attention ne flotte pas sur la surface de l'objet. Elle coule afin d'être submergée par l'objet. Elle coule dans l'objet. De la même façon, par exemple, si vous pensez à des morceaux de liège, si vous les jetez dans l'eau, ils vont flotter simplement sur l'eau. Mais si vous jetez un caillou ou une pierre dans l'eau, elle va couler à l'endroit même où vous l'avez jetée. Et l'esprit qui observe est comme ça quand Sati est présente. Sati a cette caractéristique. Elle coule dans l'objet, elle ne flotte pas sur la surface. Et celle-ci est la caractéristique naturelle des satis. Pour donner un exemple, on concentre l'esprit sur l'abdomen et l'objet observable, le mouvement de soulèvement et le mouvement d'abaissement qui ont lieu. Donc, on doit observer ça avec une attention ferme. Et en faisant ça, l'esprit tombe instant par instant sur le soulèvement. En fait, il y a des qualités comme la raideur de la tension, du mouvement ou en déplacement. Donc, la caractéristique naturelle des satis est cette qualité de pénétrer dans l'objet et le regarder en profondité. La fonction des satis est dite en pali Asamosana Rasa. Samosana signifie disparition et Asamosana signifie non-disparition. Sati ne laisse pas disparaître l'objet de la vue de l'esprit. Donc, quand le soulèvement et l'abaissement apparaissent, elle suit l'objet et ne le perd pas de vue. Les soulèvements, l'abaissement ou n'importe quel objet fait son apparition, elle le suit et elle ne le perd pas de vue. Ça est dit Asamosana Rasa. Le fonctionnement ou la tâche des satis, de ne pas laisser l'objet disparaître. Elle dit que n'importe quel objet qui apparaît, sati, il ne le perd pas de vue. Donc la caractéristique des satis découlée dans l'objet, la fonction des satis ne laissait pas disparaître l'objet, elles sont claires seulement quand la manifestation des satis est claire. Ça est le troisième aspect de sati. La manifestation des satis est comment elle apparaît dans l'esprit du yogi. Et en pali, Visaya Bimukhi Bhava Pachupatana. Visaya signifie objet. Abhimukhi signifie vis-à-vis ou tout droit. Quand le soulèvement apparaît, l'esprit arrive en face de l'objet. Quand l'abaissement apparaît, l'esprit arrive en face de l'objet. L'esprit est dirigé juste en face de l'objet. Donc, n'importe quel objet apparaît, quand l'esprit arrive en face de l'objet vis-à-vis à lui, ça est ce qu'on appelle la manifestation de Sati. Visayabhimukhi bhava pachupatana. Il est dit, on doit noter afin que l'esprit puisse aller tout droit vers l'objet jusqu'à qu'il soit vis-à-vis avec lui. Pour faire une analogie, si deux individus marchent l'un vers l'autre dans la rue, l'un venant d'une direction et l'autre venant d'une autre direction, quand ils sont près l'un de l'autre, ils seront vis-à-vis. Ça est une analogie pour la manifestation des Sati. Quand les gens se rencontrent, ils regardent les visages des autres pour reconnaître la personne. Le visage est la façon la plus évidente pour savoir qui est cette personne-ci. Donc, quand les gens se rencontrent, ils ont la tendance à se regarder dans le visage pour se reconnaître. Donc, si on marche tout au long de la rue et on arrive vis-à-vis avec quelqu'un, mais si on ne le regarde pas, alors il ne sera pas clair de qui s'agit. Ou si on pense à quelque chose d'autre, alors ne sera pas clair non plus de qui s'agit. Donc, afin de savoir clairement qui est, on doit faire attention et regarder droit vers la personne. Alors, on pourra distinguer leurs traits assez facilement. De la même façon, les yogis doivent noter afin que l'esprit qui note arrive vis-à-vis avec l'objet. Et ça, à plusieurs reprises. Il ne devrait pas y avoir des réflexions, des pensées sur ça. Ça, c'est très important. Quand on regarde une personne dans les visages, en premier lieu, on voit le visage entier. Et dès qu'on continue à regarder, alors le trait individuel, il devient apparent. Par exemple, on remarque la forme de la mâchoire, des joues ou la forme du nez. Et ça est le même quand on médite. Quand on observe l'objet qui apparaît encore et encore, quand on le fait beaucoup de fois, au début, on voit à un niveau plus brut. Mais si on continue à observer avec une attention ferme, on arrive à voir des caractéristiques comme des moments de raideur, des tensions et ainsi de suite. Et pendant qu'on continue à pratiquer, on arrive à voir ces caractéristiques individuellement. Quand le yogi note chaque objet qui apparaît avec une attention ferme, chaque objet qui apparaît, en commençant par le soulèvement et abaissement, l'esprit reste vis-à-vis avec chaque objet l'un après l'autre. Et il n'y a pas d'absence des sati ou l'attention. S'il y a une absence des sati, alors les empêchements rentre dans le flux de conscience. Mais quand on a sati, c'est comme s'il y avait une blocade. Ça est appelé araka pachupatana. La présence des sati se manifeste en protégeant l'esprit afin de ne pas faire pénétrer les empêchements. Quand ce type de sati a lieu et devient fort, quand le yogi observe le soulèvement et remarque les raideurs, etc., qui ont lieu dans le mouvement de soulèvement, il connaît la vérité de la souffrance. Il connaît les objets tels qu'ils sont. Et la raison de cette connaissance est parce que le yogi note les objets. Et pas seulement les yogis arrivent à connaître la vérité de la souffrance dans l'objet qu'ils observent, mais aussi, en connaissant la souffrance, il n'y a pas du plaisir dans l'objet. Ça est l'élimination de la cause de la souffrance, qui est le désir, donc prendre du plaisir dans les choses. Et plus tard, quand la connaissance se développe, les empêchements, en commençant par l'ignorance, avidya, ils n'apparaissent pas. Ceci est une cessation temporaire des empêchements. Donc, pour que Sati Sambhojanga apparaisse, il y a seulement une cause. Et cette cause est l'observation continue et indissoluble ou Sati. Cette forte conscience, en premier lieu, est indissoluble et ensuite elle devient forte. Et ça est ce qui cause le facteur appelé Sati Sambhojanga à apparaître. Donc, le premier stage de la pratique est dite observation continue et indissoluble, noter et connaître l'objet. Et quand on arrive à l'étape de la connaissance de l'apparition et disparition des phénomènes, qui est Udayabhaya Jnana, que la forte Sati devient Sati Sambhojanga. Selon les commentaires, il y a quatre causes pour l'apparition des Sati Sambhojanga. La première est que l'attention ou Sati doit être combinée à la claire compréhension. Ça est ce que a aussi dit le Bouddha, qu'il doit y avoir une observation continue. Une Sati continue et indissoluble. Ça signifie que si nous marchons en avant ou en arrière, si on regarde devant nous ou sur les côtés, si on plie ou on étire un membre, que ce soit qu'on fait, ça doit être fait avec attention et claire compréhension. Et ça est la première cause qui contribue à l'apparition des Sati. La deuxième cause pour l'apparition des Sati Sambhojanga, elle n'est pas comptée sur des gens qui manquent de Sati. On doit les éviter. Si nous voulons avoir la conscience, comment peut-on l'avoir si on dépend ou on compte sur quelqu'un qui manque de Sati? À la place, on doit compter et s'associer à des gens qui ont Sati. Donc, ça, ce sont la deuxième et la troisième cause pour que Sati Sambhojanga puisse surgir. Donc, la deuxième cause pour que Sati Sambhojanga apparaît est donc éviter et ne pas s'associer à des gens qui manquent de Sati. Et la troisième cause est de s'associer à des gens qui ont Sati. La quatrième cause pour que Sati Sambhojanga apparaît est toujours pencher l'esprit ou diriger l'esprit vers le développement des Sati, de garder cette attitude. Je me dis, je vais simplement essayer de développer Sati. Ça est la seule chose que je veux. Ça est la quatrième cause pour que Sati Sambhojanga apparaît. Et celles-ci sont les quatre causes selon les commentaires pour développer Sati Sambhojanga. Donner priorité au développement des Sati signifie laisser aller, abandonner des choses telles que la socialisation ou des tâches ou des activités qui ne sont pas nécessaires. Pour le yogi, ça signifie abandonner des choses comme lire et écrire. Elles ne contribuent pas à la pratique. Si on passe notre temps à lire et à écrire, ça ce ne sont pas des activités qui développent Sati. Donc, passer son temps à faire ses activités ne respecte pas la priorité du développement des Sati. On doit penser que seulement une chose est importante, c'est le développement des Sati, notre pouvoir d'observation. Celles-ci sont donc les quatre causes pour le développement de Sati Sambhojanga. Si vous pouvez observer l'apparition de chaque objet, simplement, essayez d'observer chaque objet qui apparaît sans cesse. Si vous essayez de faire ça, votre attention, votre sati, elle sera de mieux en mieux. Et en faisant ça, Sayadaw espère que vous serez capable de développer et posséder le facteur de Sati Sambhojanga. Sadhu, sadhu, sadhu. อืมไอ้ตัวตติปิเจอะเจ้าเลมิโอบ่กูมาปิโซอ๋อโอเรอายุโกเมมะเปะเมมะเปะเนาะเมนะชินไซเตะเตะมั่นနိုင်มีเนาะสุวิชัยไซมั่นနိုင်มีဆိုရင်ตติเนี่ยละโบโบอ้ากาวหลานบ่บ่ถ้าตติปิเจอะเจ้าตติตัมปุเซมาเว้ดุถ้าเจ้า piso on pi pinanjibe dadi dambo zen no pi re bogo en a kaung ne yogi tia on ni ne phit ne on chu sa a thau nai nya ba si lo no sadu sadu sadu